血。Faire respecter la loi et boucler les criminels. Cette justice nous défie en provoquant des duels. Veut nous faire plonger que l'on en garde des séquelles. Je vois ces juges qui nous poussent du haut d'une nacelle. Mes proches et moi l'on vient prendre place sur cette selle. Il nous manque une étape pour que nos vies se renouvellent. Qu'ils arrêtent de nous traquer, voilà une chose essentielle. J'en prie le ciel, j'ai pas un esprit superficiel. Paquet stupe, prêt à nous tenir du bout d'une ficelle. Sur ces lignes, ma vision des choses est telle qu'elle. Lequel de ces flics nous sert de modèle? Trop de bavure, c'est pourquoi on vient foutre le bordel. C'est simple, un type au sol est 5 ans. À la matraque facile, le frappe jusqu'à ce qu'il tombe en syncope. Certains trouvent ça drôle, mais où est l'équilibre pour une justice qui a quand même une balance comme Saint-Paul? C'est trop de balles qui jactent un peu trop de coupardes pour rien, la preuve ça pète de toutes parts. Trop de coupables innocentés, trop c'est trop, j'parle de la sorte. Car aujourd'hui trop de gens rêvent de mourir comme Tupac. La haine se propage, les flingues se tiennent à bout de bras. Les procédures tombent mais chacun se fout de ce qu'il est cobra. Outrage à la jeunesse, la justice n'est qu'un défi pour ceux qui ne profitent pas de leur droit de suffrage. Cocktail molotov, quand discours monotone arrache sur le trône, donne le temps et prend en main tout le peloton. Ça sonne autant plus fort quand ça frappe, car parler ne sert à rien. À croire que les concernés ont baissé leur sonotone. Alors pour la peine, certains cas c'est fait de la braise comme tapis rouge, force de l'ordre, marre des paroles et cours d'appel. J'appelle à la révolte des mots sous laquelle se cache une force de frappe. Accepte-le car on a tout à perdre. Clandestin.